Navigateur interstellaire regrette ses 20 ans et trouve sa bière amère. Là-bas, là-bas sous les tropiques coule la coque brisée de son cœur solitaire. Ivan, navigateur d'hier, songe aux palmiers géants des plages d'il y a 20 ans. Mais bien l'odeur mystique des rivages du Mexique, de l'herbe de Jamaïque. Ivan, prophète océanique, murmure entre ses dents le son des mers d'antan. Navigateur sédentaire, regrette il y a 20 ans.